qu'un cocktail sur un transat. Car mon seul effort est de migrer vers l'ombre. Si le soleil m'attaque, t'as la tchatch d'un diplomate pour parler de choses qui m'agacent. Pendant que je tape des barres de rire sur ton envie de paraître classe. Car je suis conscient d'être con, donc je réfléchis pas trop. T'as besoin d'absolution, c'est un peu ton défaut. Cherche pas à me parler de choses qui finissent en fiasco. Je préfère parler à ta copine et qu'elle me fixe ton numéro. Alors dis-moi, dis-moi, qu'est-ce que tu racontes là? Désolé, c'est pas pour moi, y'a de grandes chances que je connaisse pas. Parle pas du dernier opéra quand je danse sur la Macarena. Je peux pas écouter ton blabla et partager ton cinéma. Car je marche au feeling et j'exprime toujours ce que j'imagine. Pendant que tu relignes sans être capable d'en expliquer deux lignes. C'est quand t'atteins ta cime que je coupe le tronc à la tronçonneuse. La vie je la veux héroïque, pas forcément heureuse alors. Je vois du pastis, c'est d'hier avant le foot. Je joue à la pétanque et j'en ai rien à foutre. Viens pas me casser les couilles avec ta galerie d'art. Des cartes au car, quel est le résumé dans Technicar? Je vois du pastis, c'est d'hier avant le foot. Je joue à la pétanque et j'en ai rien à foutre. Viens pas me casser les couilles avec ta galerie d'art. Des cartes au car, quel est le résumé dans Technicar? GIN débarque, appelle le GIGN. Je n'ai que faire de tes remarques, laisse-moi finir ma MKN. Ce monde est bien trop amer, je viens y mettre mon grain de sel. Tu vas te manger des claques, je vais pas dans la dentelle. Ils en font des tonnes pour entrer dans le moule. Ce que je kiffe c'est sauter des connes et regarder le foot. Ma musique cartonne, tu t'es fait carotte. J'ai troqué mon gun contre une boule de pétanque. Tu me racontes pas ta vie, je m'en branle comme de ma première éjac. Juste ma pute en chant, ton frère Jacques. Au milieu des requins, nage le rouquin blanc. Je suis encore meilleur avec de grammes dans le sang. T'es dans le flagrant délit, j'suis dans le flagrant délire. Je vais baiser la vie jusqu'à ce que mort s'en suive. Pas très académique dans le monde du RAP. Plutôt axé Charlie Chaplin que Montana en vérité. Oh, j'vois du pastis, c'est d'hier avant le foot. J'joue à la pétanque et j'en ai rien à foutre. Viens pas me casser les couilles avec ta galerie d'art. Des cartes au car, quel est le résumé dans Technicar? J'vois du pastis, c'est d'hier avant le foot. J'joue à la pétanque et j'en ai rien à foutre. Viens pas me casser les couilles avec ta galerie d'art. Des cartes au car, quel est le résumé dans tes 8 cartes? Du point. J'bois du pastis, bière devant le foot. Joue à la pétanque, et j'en ai rien à foutre. Alors viens pas me casser les couilles avec ta galerie d'art. Des cartes au car, quel est le résumé dans tes 8 cartes? J'bois du pastis, bière devant le foot. Joue à la pétanque, et j'en ai rien à foutre. Alors viens pas me casser les couilles avec ta galerie d'art. Des cartes au car, quel est le résumé dans tes 8 cartes? Du point.